précieux sur la terre et sur la terre. L'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceptres. Les vieillards observaient, les anciens aimaient même mal. Les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Galilée répondu, mais voici un voyou avança sûrement vers le livre de vie, interrompu les sept sceaux. Il donna accès de nous à ceux qui sont nés de nouveau, appelés chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son. Nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Pourquoi tu y es battu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli, il y a 2000 ans. Découragé, désemparé, l'homme de Galilée a tout accompli. Il y a 2000 ans sur la croix, on combat plus pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 ans, mon des calvaires, au Christ a remporté la victoire. On combat plus pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 ans, mon des calvaires, au Christ a remporté la victoire. Nous vaincrons Satan. Shine.